comprennes. J'aurais tellement voulu rester. C'est dur pour moi aussi, mais l'amour ne doit pas m'arrêter. Car vois-tu, je ne suis pas un amoureux, mais un chanteur. Et demain, il faut que je sois ailleurs. Je sais que je me trompe, mais c'est vraiment plus fort que moi. Et je vais regretter toute ma vie de t'avoir quitté. Jamais je ne retrouverai un bonheur comme celui-là. Mais aussi loin que le temps m'emportera. Quand je chanterai une chanson d'amour, je la chanterai pour toi. Quand j'écrirai une chanson d'amour, elle ne parlera que de toi. Des milliers de cœurs vont m'entendre dans tant de vies et tant de fois. Et des milliers d'yeux vont me voir, mais ils ne verront que toi. N'écoute pas les gens qui te parleront de moi, de ce malheureux fou qui aimait la musique plus que toi. Je ne supporterai pas, même si tu ne m'aimes plus, que tu regrettes un jour de m'avoir connu. Quand je chanterai une chanson d'amour, je la chanterai pour toi. Quand j'écrirai une chanson d'amour, elle ne parlera que de toi. Des milliers de cœurs vont m'entendre dans tant de vies et tant de fois. Et des milliers d'yeux vont me voir, mais ils ne verront que toi. Quand je chanterai une chanson d'amour, je la chanterai pour toi. Quand j'écrirai une chanson d'amour, elle ne parlera que de toi. Des milliers de cœurs vont m'entendre dans tant de vies et tant de fois. Et des milliers d'yeux vont me voir, mais là ils ne